On va parler de baseball. On a pris une pause du baseball parce que là, ça bougeait pas fort, mais là, ça bouge. Là. Ça commence vraiment à bouger fort et les assises débutent la semaine prochaine. On en parle avec notre collaborateur Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, avant de commencer, il y a une dépêche qui vient de tomber il y a à peu près une heure ou deux, ce qu'on enregistre le podcast. C'est qu'il y a deux joueurs des ligues, anciennement des ligues majeures, qui se sont tués dans un accident au Venezuela. Je parle de Luis Valbuena. Oui, bon, j'ai réussi à le prononcer comme il faut. Et José Castillo. Dans le cas de Valbuena, c'est un joueur plus d'utilité. Un joueur qui va jouer à l'avant-champ. Et Castillo, lui, je ne le connaissais pas beaucoup. Donc, c'est deux anciens joueurs qui ont porté les couleurs des Pirates de Pittsburgh et des Giants dans le cas de Castillo. Et dans le cas de Valbuena, ben, c'est un joueur que moi j'avais connu avec les Astros de Houston. Donc, c'est deux joueurs qui ont porté la vie 33 et 37 ans. C'est jeune, hein? Quand on regarde ça. Ouais, triste nouvelle. On dirait qu'à chaque entre-saison, depuis quelques années, hein, on a eu l'accident de Roy Halladay qui s'est tué. On se souvient d'José Fernández en bateau. On se souvient Parce qu'en Taveras, Cantaveras avec le jeune espoir là, du côté des Cards de Saint-Louis. Donc, une triste nouvelle encore une fois, là, un autre accident là, qui frappe le baseball. Effectivement. Bruno, on va parler de la transaction de la semaine. C'est probablement la nouvelle de la semaine concernant concernant le baseball, c'est Paul Goldschmidt. Écoute, c'est pas vraiment surprenant. Dans le cas de Goldschmidt, les Diamondbacks de l'Arizona, là, on parle que, je disais sur ESPN tantôt avant de rentrer en onde, que Zach Greinke pourrait également être échangé. On veut faire comme les Mariners de Seattle, on veut probablement baisser la masse salariale. Et Goldschmidt qui va être joueur autonome à la fin de l'année également. Puis du côté des Cards, on cherchait un frappeur de puissance depuis quelques années. Hein. On avait essayé Marcel Ossuna, on avait essayé George Donaldson l'an passé, ça n'a pas fonctionné. On a essayé Marcel Ossuna qui n'a pas été les résultats qu'on a nécessairement escomptés. Et là, on se tourne du côté de Paul Goldschmidt. Oui, puis je pense du côté des Cards, on cherche vraiment un frappeur de puissance depuis le départ d'Albert Pujols il y a quelques années. Là, ça, c'est quelque chose qu'on a eu de la difficulté à remplacer du côté des Cards. Malgré que Pujols était vieillissant et ralentissait, là, je pense qu'on a bien fait de le laisser aller pour le contrat mirobolant qui est signé avec les Angels, mais quand même, on avait ce manque-là du côté des Cards. Et on a aussi, à Saint-Louis, un excellent réseau de filiales depuis des années qu'on en parle, que c'est probablement l'organisation la mieux gérée dans le baseball majeur. Et ça leur permet de faire une transaction comme ça, sans toucher nécessairement leur noyau, sans non plus trop briser leur réseau de filiales. Et du côté des Diamondbacks, on en parlait justement en fin de saison, je me souviens, Dan, on se disait, les Diamondbacks sont où? Ils sont en milieu de peloton. Mm. Puis on dirait que dans le baseball, il y a de moins en moins d'équipes qui aiment se positionner en milieu de peloton. On voit vraiment des équipes qui se disent, bon, soit que je fonce pour gagner là, ou que je défais l'équipe complètement. Fait que des équipes de milieu, on en voit de moins en moins. Puis je pense que c'est ça qui explique aussi le nombre de mouvements de personnel qu'il y a eu depuis le début de l'entre-saison. T'sais, l'année passée, c'était rien passé ou presque avant les assises. Alors, on se souvient, on avait même parlé de collusion des propriétaires et tout ça. Alors que cette année, on voit des équipes, tu as parlé des Mariners, c'est un autre bon exemple, qui ont dit, bon, ben, on est pris entre les deux. Tu sais, on gagne 75 ans, entre 75 et 84 matchs, ça ne nous amènera pas en série, on n'est pas assez bon pour se reconstruire, on a trop de masse salariale, et on voit que c'est finalement la position que les Diamondbacks ont pris. Donc, on a laissé aller Goldschmidt, on a des bons joueurs en retour, un lanceur league qui est établi dans le baseball majeur. Donc, on était capable de pallier également la perte qu'on savait qu'on allait avoir de Patrick Corbin, qu'on n'allait pas signer. Et tu as parlé de Zach Greinke qui est sur le marché parce que c'est un peu la même chose du côté des Diamondbacks. On va espérer aller chercher peut-être un joueur établi et quelques joueurs d'avenir et se positionner comme une équipe plus en reconstruction qu'une équipe de milieu de peloton. OK, effectivement. Puis hier, je parlais avec Jeff Baker du Seattle Times pour parler un peu de hockey. Puis à la fin, je sais que Jeff est sur le beat des Mariners. Puis on parlait de ce qui se passait avec les Mariners. On a échangé Robinson Cano, on a échangé Edwin Diaz cette semaine également. Et du côté de Seattle, on s'en va vraiment vers là-bas aussi. Là. Ah, même affaire. T'sais, quand tu regardes l'échange, on a réussi à passer Robinson Cano aux Mets. Puis les Mets, en échange, eux, ont dit, bon, ben nous, on a besoin de releveur numéro un, fait qu'on va prendre Diaz. Puis vous allez ramasser Jay Bruce et son contrat pour au moins un an. Fait que dans le fond, c'est un peu la même chose. On a pris Jay Bruce en espérant qu'il connaisse un bon début de saison, qu'il aide les jeunes. Ensuite, on va l'échanger peut-être à la mi-saison l'été prochain. Et les Mariners, à ce moment-là, vont, oui, sauver sur la masse salariale, mais on l'avait vu. Là, quand les Mariners ont décidé d'y aller avec des gars comme Nelson Cruz, avec Félix Hernández qui était vieillissant, puis on a signé Robinson Cano, les Mariners se sont positionnés pour essayer de faire les séries pour une première fois depuis 2001. Ça n'a pas fonctionné. Et là, je pense qu'ils ont réalisé que c'était là ou jamais si on n'était pas capable de se départir, exemple, de Cano à 36 ans, avec 5 ans restant à son contrat. C'était pas à 37 par 38 ans qu'on aurait été capable de recevoir quelque chose d'intéressant en retour. Donc, ils ont vraiment été dans cette avenue-là. Ils ont changé aussi Jane Segura, leur joueur d'arrêt Ouais. court. Donc, ils ont vraiment décidé de laisser partir la plupart de leurs joueurs. Et il ne faut pas oublier, un peu plus tôt, c'est arrivé il y a quelques semaines, ils ont changé leur gaucher, là, James Paxton, qui était pas mal leur lanceur numéro un maintenant, aux Yankees de New York, pour obtenir Julius Sheffield, qui était considéré comme le meilleur espoir de l'organisation des Yankees. Donc, même chose, Dan, une équipe qui était prise entre deux, derrière les A's, derrière les Astros de Houston, puis qui a dit, ben, on s'en va vers le bas pour mieux se reconstruire. Et aussi, tu parlais de Justin Sheffield. C'est le fils de Gary en passant, hein, qui est un frappeur et qui était prolifique dans les années 90-2000. Tu voulais parler de George Donaldson, c'est arrivé la semaine dernière. Écoute, pas vraiment surprenant. Le contrat est énorme, 23 millions. Mais c'est le baseball aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est ça. Et pas vraiment surprenant de voir aboutir à Atlanta pour deux raisons. Premièrement, les Braves avaient besoin d'un joueur de troisième but. Moi, je les soupçonne d'avoir été très intéressé cet été à faire son acquisition. Mais la blessure a probablement retardé les choses dans le cas de Donaldson. Et deuxième affaire, c'est Alex qui est directeur général. Puis je serais pas surpris de voir Russell aboutir là aussi. C'est drôle, hein? Ben, écoute, la réunion serait bonne. Puis dans le cas de John Donaldson, écoute, 32 ans, c'est un contrat d'un an. Ouais. C'est 23 millions, c'est un gros montant, mais c'est un montant qui n'est pas tant risqué. Je pense que les Braves vont essayer de donner un peu plus pour un an. Ça va donner la chance à Donaldson de se prouver. S'il connaît une bonne saison et ne se blesse pas, pourrait peut-être aller chercher un contrat de 3 ans, 60 millions par la suite. Si jamais ça ne fonctionne pas à ce moment-là, bien, il aurait réussi au moins à faire une portion de son argent cette année. Puis, même s'il signe un contrat à rabais par la suite, au moins d'un point de vue personnel, ça lui sécurise un peu plus d'argent. Fait que, je pense que c'était gagnant pour les deux parties, puis il n'y a rien de surprenant dans cette réunion-là. On le voyait venir, là. On t'a parlé tantôt des Cards, mais c'était vraiment les Braves qui étaient ceux qu'on voyait le plus aller. Puis, tu sais, on peut dire, oui, c'est le baseball d'aujourd'hui, 23 millions pour un an pour un joueur comme George Donaldson, mais c'est un contrat pour un an. Tu sais, on le voit, là, les contrats à plus court terme. Je regarde un peu ce que Eovaldi a signé, par exemple, avec Boston pour 4 ans. C'est quand même à long terme, mais c'est moins long qu'un contrat comme. Moi, un contrat que je comprends pas, c'est Patrick Corbin, par exemple. Hey. Un gars qui va 6 ans pour 140 millions. Des lanceurs, des contrats de 5, 6, 7 ans, des lanceurs. Quand tu regardes les dernières années, là, des contrats comme ça de 5 ans et plus et 100 millions et plus, on a vu énormément de lanceurs, du milieu de peloton, là, signer ce genre de contrat-là et finalement connaître des ennuis, des blessures et compagnie. Donc, c'est un pari risqué pour les Nationals d'avoir été chercher un gars comme Corbin. Alors, quand je regarde Donaldson, oui, 23 millions, c'est beaucoup pour une saison, mais surtout dans le mode que les Braves sont là, veulent continuer de faire un pas en avant. Je pense que c'est un excellent contrat pour les Braves et pour Donaldson. Effectivement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça commence, c'est comment? C'est là-dessus que c'est la semaine prochaine. Normalement, ça commence toujours le dimanche. Je n'ai pas la journée précise, mais c'est toujours intéressant. Puis l'MLB Network, on a la chance, ils sont sur place, donc on a la chance quand même d'avoir ces émissions-là. Donc c'est les assises du baseball. Et j'ai hâte de voir durant ces assises, Ross Haskins a dit qu'il cherche un lanceur partant. Et également améliorer sa défensive aussi. C'était ça, j'ai utilisé ça cette semaine. Et je disais que les Jays s'étaient intéressés à Dallas Keuchel. Moi, j'ai parti à rire. C'est pas que ça gagne d'endormi là à la direction des Jays que je pense que Keuchel va aboutir à Toronto. Ça, c'est un autre débat, là. Sauf que toi, tu crois que ça, Dallas Keuchel? Moi, je crois plus à J.A. qui va faire un retour à Toronto. S'il y a un des lanceurs qui a revenu, je pense plus à Hatt qu'à Keuchel. T'es d'accord avec moi? Oui, je pense que App, dans mon esprit aussi, puis surtout qu'il a aimé son passage, je pense, du côté des Blue Jays. Puis dans le cas de Keuchel, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il recherche et ça va dépendre aussi de ce que les Blue Jays sont prêts à y offrir. Est-ce que les Jays vont dire, bon, lui, ça va être notre lanceur numéro 2 pour les 3-4 prochaines saisons, puis avec Vlad Junior et compagnie, on va devenir compétitif dans 2 ans, on en a besoin, on va lui donner un peu plus. Ou bien on va se positionner puis il offrira un contrat, je dirais plus là, à rabais, puis espérer que s'il n'y a pas d'autre offre ailleurs ou intéressante comme ça, ils viennent. Et l'autre chose dans le cas de Google, par contre, c'est que c'est une des seules cibles pour les Blue Jays. Parce que quand tu regardes ça, dans le marché de la transaction, là, de lancer par exemple, on sait que Corey Kluber est sur le marché. Entre autres, là, les Indians ont signé Carlos Carrasco et on sent bien là, que soit Trevor Bauer ou Kluber vont quitter là, les Indians, probablement plus. Dans le cas de Kluber, je pense. Et les Indians, bon, sont à la recherche de voltigeurs. Quand tu regardes que les Blue Jays, il n'y a pas grand-chose à offrir de ce côté-là. Puis même en termes de lanceurs, là, on a vu que le nom de Marcus Stroman était sur le marché, mais à moins qu'une équipe, en ce moment, décide que Strowman a une plus grosse, je vais l'expliquer comme ça, une plus grosse valeur que ce que les Blue Jays donnent. Exemple, si les Blue Jays voient Strowman un peu plus bas qu'une autre équipe le voit, puis qu'ils donnent un package intéressant, on va écouter, mais sinon, je pense que sa valeur est trop basse en ce moment pour les Jays, pour passer laisser aller Strowman, puis au pire, on va lui donner la saison prochaine pour tenter de soit se refaire une forme, soit pour l'échanger ou pour tout simplement avoir une meilleure assise. Et je te rejoins là-dessus, tu sais, GAP, donc, reste pour moi là, les lanceurs partants. Probablement le lanceur le plus probable d'aboutir avec les Jays, si un lanceur aboutit évidemment à Toronto. Du côté des Jays, moi personnellement, ce que je pense, que j'anticipe, le défi de Ross Haskins sera de libérer de la masse salariale et d'échanger Russell et trouver preneur à Troy Tulowitzki, qui a été probablement le pire coup d'Alex de son passage à Toronto. C'est clair que Tulowitzki ne figure plus dans les plans. Premièrement, il gagne au-dessus de 20 millions. Deuxièmement, ça fait un an et demi qu'il n'a pratiquement plus joué, il a pas joué au baseball. Et troisièmement, avec Lourdes Gurriel, qui va être, d'après moi, le joueur de Reiko l'an prochain des Jays, c'est Bo Bichette qui s'en vient aussi, donc il y a définitivement plus de place. D'après moi, là, c'est le défi de Ross Haskins à ses assises. Là. Trouver preneur pour ces deux joueurs-là. T'es d'accord avec moi? Oui, ben Russell Martin, pour moi, c'est quelqu'un, je pense, qui pourrait avoir de l'intérêt. Pas mal plus que Tulowitzki pour les raisons que tu as mentionnées. Probablement le contrat de Toulou et l'eau pour un joueur qui est beaucoup plus à risque de blessure que Russell. Oui, Russell a manqué des matchs par-ci, par-là, mais il est quand même capable de jouer un peu partout aussi, plus versatile. Bon, bien lanceur. Oui, c'est ça. Fait que je pense que Russell a plus de valeur que Tulowitzki. Là, autre chose, un cas qu'on parle pas beaucoup, qu'on va tenter aussi de peut-être échanger, c'est Kendrys Morales. Hein? Ouais. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un frappeur de 35 ans comme DH qui gagne à peu près 12-13 millions par année quand tu es en reconstruction? Je pense pas. Puis, tu sais, on s'en cache pas à Toronto. Hein, on n'est pas comme certaines organisations sportives québécoises qu'on nommera pas. Et quand on est en reconstruction, on est en reconstruction. Je pense qu'on l'a dit. Tu sais, on fait un virage vers la jeunesse. On est en train de remonter ça. Fait qu'il y a trois vétérans là, qu'on voudrait bien se départir, qui sont Martin, Morales et Tulowitzki. S'il y en a un des trois que j'avais à parier qui va partir, c'est pas mal probablement Russell, parce que des trois, je pense que c'est lui qui a le plus de valeur et qui peut susciter le plus d'intérêt. Puis si c'est pas là, Dan, ça pourrait être au milieu de la prochaine saison. Oui. Quand il y a des équipes qui vont se ramasser dans la course, tu vas ajouter des joueurs vétérans. On va encore un peu plus avancer dans le contrôle aussi de Russell. Tu te ramasses avec un joueur comme ça, qui est vraiment là, dans le fond, là, le. Écoute, c'est sa dernière année de contrat. Fait que si tu l'échanges là pour 20 millions, peut-être que tu peux ramasser du salaire puis l'échanger tout de suite, mais si tu ne l'échanges pas là puis il connaît une saison respectable, il y a probablement quelqu'un qui va lever la main au mois de juillet ou prochain, puis tu vas être capable de chercher peut-être un ou deux jeunes espoirs de deuxième niveau. Quand tu fais des promotions, le premier mardi du mois, les hot dogs sont dans une pièce. Quatre limites, ça veut tout dire. Hein? OK, le dossier qu'on va surveiller de près, qui va probablement être le plus gros dossier des assises, qui va faire parler, c'est Bryce Harper et Manny Machado. Où est-ce qu'ils vont aboutir? Je disais cette semaine sur RDS que Bryce Harper, il y a plusieurs équipes, à ma surprise générale, qui sont intéressées. Être intéressé, c'est une chose, mais se le payer, c'est une autre chose. Moi, je dis qu'il y a à peu près 3, 4, 5 équipes maximum qui sont capables de se payer Bryce Harper. Ça, c'est probablement le point de mire de ces assises-là la semaine prochaine. Oui. Puis, si on commence avec Harper, tu sais, dans le fond, faut jamais exclure les Nationals, tu sais, même si techniquement, on pense qu'ils ne sont pas de retour parce qu'il y a eu des occasions déjà de signer son contrat. Ça se pourrait, peut-être que finalement, il n'y a pas d'autres équipes qui soient super intéressées. Tu sais, on entend des équipes un petit peu, tu sais, les Dodgers, les Phillies. J'ai vu les White Sox cette semaine, mais c'est sûr que les Phillies, présentement, sont positionnés comme étant. Écoute, le propriétaire a sorti des médias, Dan, pour dire qu'il était prêt à faire des dépenses folles. Ah ouais. Tu sais, le message est clair. Et Harper, quand tu regardes la construction de l'équipe à Philadelphie des Phillies, il manque un voltigeur de puissance dans cette équipe-là. Et c'est une équipe qui est en progression, qui a connu une bonne saison l'année passée. C'est un marché qui a de l'argent. Tout est là, je pense. Si c'est pas Harper, ça va être Machado. Écoute, il y avait même des rumeurs la semaine passée qui disaient que les Phillies travaillaient fort pour tenter de conclure un échange avec les Angels pour aller chercher Mike Trout et signer Bryce Harper. Donc, eux sont vraiment dans un mode de dépense folle. Je ne pense pas qu'il y a rien de tout ça qui va arriver. Ouais. Mais je pense qu'ils sont favoris en ce moment avec les rumeurs qu'on entend et le bruit qui court dans le baseball majeur que présentement Harper, s'il a quitté les Nationals, ça devrait être les Phillies en meneur. Et ce qui est drôle, c'est que ni les Red Sox ni les Yankees sont impliqués. D'aucune façon, on dit que les Yankees, là, ont comme. Les taxes de luxe, hein? Ils ne veulent pas payer la taxe de luxe. Ils ne veulent pas payer la taxe de luxe. Et Dan, ils n'ont pas de besoin particulier. Puis je veux dire ça comme ça. Quand on regarde leur champ extérieur, ils ont des voltigeurs de puissance, ils en ont déjà un. qui leur coûte très très cher. En fait, ils en ont deux, même avec Stanton et Aaron Judge. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de Bryce Harper pour venir compléter le trio de Dodgers. Ils ont plus besoin de lanceurs. Les Yankees, je pense qu'ils vont se diriger vers là. Alors que les Phillies, ils ont un besoin, ils ont l'argent, ils sont prêts à dépenser. Ouais. Pour moi, ils sont les favoris. Effectivement. Bruno, ça fait pas mal le tour de cette semaine, ce que tu saches. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? Je pense pas qu'on a oublié ça en dehors des ondes. Ça fait pas mal le tour. Il y a beaucoup de joueurs, tu sais. On en parlait justement avant d'entrer en l'autre. Il y a beaucoup de mouvements. Tu sais, l'année passée, justement, ça avait tellement été tranquille qu'on était surpris. Mais là, non seulement il y a eu du mouvement, mais il y a encore beaucoup de joueurs sur le marché autonome intéressants, autant des releveurs et tout ça. Il y a évidemment Machado encore à surveiller. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions aussi, des Giants qui sont en train d'échanger présentement Madison Bumgarner. Oui, on dit que les Braves, ce que je lisais sur ESPN, on dit que les Braves seraient pas mal intéressés à Bumgarner. C'est sûr qu'Alex, Alex, c'est un directeur général de même. Il y a beaucoup, il y a de bons jeunes également dans le réseau des filiales, malgré qu'ils ont perdu quand même les droits sur plusieurs l'an dernier. Alex, c'est pas mal, il va être à surveiller à ces assises-là. Ben écoute, moi, je te répondrai comme ça pour conclure, là, par rapport, on pourra s'en reparler après les assises, mais on peut pas vraiment reprocher à Alex son agressivité. Alors, regarde, il est arrivé à Toronto, il a été agressif, deux séries de championnat en deux ans. Il arrive à Atlanta, il est agressif, les Braves ont fait des séries l'an passé puis sont en progression. Oui, il a hérité d'une organisation à Atlanta qui avait plein de bons jeunes et tout ça, j'en comprends. Mais à un moment donné, si tu veux gagner dans le sport professionnel, il faut que tu sois agressif. Puis je pense qu'il y a le bon profil à la bonne place, je veux dire ça comme ça. Effectivement, il y a un bon réseau de filiales. Donc, j'ai l'impression, si vous descendez avec une coupe de bons vétérans, puis ça va être bingo. Les Braves vont être là longtemps. Bruno, on s'en reparle la semaine prochaine ou dans deux semaines. Parfait, merci. Collaborateur Bruno Boudreau.